did it too. Comme si finalement il fallait se foutre de tout, aller chercher du travail dans un bureau. Marie-Jeanne.